Pages arrachées au roman de Serge Rezvani. Les années Lula, extrait lu par Nicolas Bouchaud. Une lecture enregistrée en public le 13 octobre 2018 à l'Espace Cardin, Théâtre de la Ville. Lorsque d'énormes complexes bétonnés envahiront ces vallées où Lula et moi, nous avons réussi à nous enfuir aujourd'hui, lorsque des rampes de lancement s'élèveront sur ces collines, profitant de leur inclinaison idéale pour quitter cette terre dévastée, quand ces montagnes auront été perforées de toutes parts et qu'une épaisse chape de plastique recouvrira ce sol vivant d'herbes, d'insectes et de fleurs, ce sol étoilé de poudre de mica, à tel point que le chat en est tout scintillant des moustaches à la queue de s'être roulé dans cette vivante poussière. Un jour, un homme assis à la place précise où je me trouve en ce moment, en train d'écrire, un de ces hommes futurs lira mes descriptions d'une nature encore intacte, tout en manipulant le clavier complexe d'un guideur transgalactique. Cet homme nouveau s'émerveillera de ma prodigieuse voyance, car toutes mes descriptions rétrogrades concorderont bizarrement avec les récits des cosmonautes cybernés qui parleront de collines, d'arbres, de ruisseaux, entrevues sur de paisibles planètes restées intactes, de couples rieurs et de chats scintillants. Image en tout point semblable à celle de cet antique livre, ce livre, par hasard exhumé où je parle de notre nature aimée. Et aussi de ces temps futurs où l'homme aura depuis longtemps oublié cet aspect pour nous si familier de la Terre. Et qu'il suffira d'une planète un peu moisie pour émouvoir aux larmes les voyageurs cosmiques. Oui, exactement comme Lula et moi en fuite de la ville, en ce premier matin, après la pluie, lorsque pieds nus dans l'herbe, nous avions découvert les collines, les arbres et les ruisseaux de notre nouveau monde. Cette ville que nous avions pourtant aimée, devenue un immense et incolore labyrinthe de béton où s'agitaient déjà les insectes humains, de cette future humanité dont nous avions refusé de faire partie, alors que nous avions eu la chance de trouver enfin l'appartement de rêve. Et voilà, votre vie coulera sans problème. Vous voyez cet immeuble de béton ? Bah c'est là. Mais regardez, mais c'est bien là, juste au-dessus de l'enseigne lumineuse du poste à essence Avia. Toutes ces fenêtres au second, donnant sur le périphérique, ce sont pour ainsi dire les vôtres. La mère Clodomir nous attrape, chacun par un bras, et nous remontons le long du périphérique, les oreilles défoncées dans l'air trop dense. À peine sommes-nous dans la cage de l'escalier, tout en grimpant, la mère Clodomir nous sort une vraie mélasse sur la poésie du jamais vu de ces boulevards. Alors vous voyez, merveilleuse artère, source d'inspiration inestimable pour vous qui êtes peintre, d'un côté vous dominez la circulation, et par derrière, vous verrez mes enfants, vous avez un coup d'œil unique sur les terrains vagues des anciennes fortifications. Je crois même qu'on peut voir un arbre par l'une de ces fenêtres. Hein ? N'est-ce pas, madame ? La pâle locataire qui nous laisse l'appartement se traîne jusqu'aux chiottes et après nous avoir fait monter l'un après l'autre, debout, sur la lunette, nous montre en effet, dans un affreux terrain vague, un arbre griffu, entouré de cahutes en planches, recouvertes de papier goudronné. « Le village Bico », murmure-t-elle. Ensuite, nous visitons les trois pièces cubiques, puis la cuisine avec vie d'ordure, puis la salle d'eau demi-portion. Vous voyez, tout ce qu'il faut pour abriter un bonheur unique comme le vôtre, s'extasie la mère Clodomir. On aurait dû se méfier, mais on était si jeunes et si inexpérimentés, pauvres de nous. Qui aurait pu nous prévenir ? Au début, nous jouions à cache-cache et gambadions d'une pièce à l'autre, fous de joie d'avoir un peu de recul. Voir entrer Lula dans la salle de séjour et refermer la porte derrière elle. La regarder faire les 5 pas qui la séparaient de moi, tous ces nouveaux gestes qu'elle accomplissait dans ce nouvel espace m'enchantaient. J'avais l'impression de nager à l'intérieur d'un de ces films ridicules quand, par exemple, on voit l'héroïne entrer sur ses talons hauts, aller en se déhanchant jusqu'à la fenêtre et fermer les rideaux en lançant par-dessus son épaule une interrogation amoureuse au héros et que la vamp ondule pendant un temps infini en balançant ses hanches et qu'elle pousse un mignon petit cri parce que un de ses bas vient de filer et qu'elle mouille son doigt pour arrêter la maille et que, etc., etc. Oui, j'avais l'impression de vivre en permanence avec Lula à l'intérieur de ce genre de carton-pâte. À part notre lit, nous n'avions aucun meuble. Mais l'espace cubique de nos 3 pièces nous donnait le sentiment d'être en représentation dans ces 3 cubes de béton, avec une conscience lancinante d'être continuellement observé. Était-ce le bruit fantastique qui montait des boulevards périphériques ? Était-ce les vibrations qui ébranlaient nuit et jour les murs, à tel point que nous avions l'impression que d'un instant à l'autre, nous pourrions nous retrouver en plein boulevard écrasés sous les décombres ? Était-ce d'entendre les radios des uns et de tous les autres ? Était-ce d'entendre mot à mot tout ce que disaient les gens ? Était-ce de les entendre se racler la gorge en chiant et tourner mélancoliquement les pages de leurs journaux ? Était-ce d'entendre les voisins du dessous ou du dessus pendant que nous-mêmes étions pareillement occupés ? Ce qui est certain, c'est que nous avions le sentiment de vivre à X exemplaires. Au début, d'être entré dans ce rythme communautaire nous amusait et on riait lorsqu'en tirant la chasse, toutes les chasses des innombrables alvéoles partaient ensemble. Ou bien quand nous enlevions nos chaussures et que de tous côtés à la fois, des centaines de chaussures tombaient en même temps que les nôtres sur le béton. Ouf. Eh ben, pauvres innocents que nous étions, nous ne faisions encore qu'en rire. Et des coups de balai cognés au mur, plancher et plafond nous répondaient, ce qui, pauvres innocents que nous étions, redoublait nos rires charmants. Mais nous allons voir... Attendez, hein, une minute, je ricane... Oui, nous allons voir maintenant comment ces rires si charmants nous quittèrent. Une nuit, comme si une fêlure avait éclaté dans mon crâne, j'ai entendu le bruit. Le bruit hallucinant qui nous hachait vif depuis notre arrivée. Le bruit des périphériques. Lula dormait près de moi et je suis resté de longues heures les mains nouées sous ma nuque à écouter l'atroce vacarme. Et tout à coup, j'ai compris pourquoi nos prédécesseurs avaient si facilement laissé leur tricube, cuisine, salle d'eau, tout confort, vie d'ordure. Oui, en une seconde, j'ai soudain tout compris et une sueur dégueulasse m'a instantanément inondé de la tête aux pieds. Nous étions cuits. Et je suis resté comme ça, les yeux grands ouverts dans la nuit. Et pour ajouter à mon angoisse, je me suis aperçu que l'enseigne de néon Avia, scellée sous nos fenêtres, grésillait et éclairait jusqu'au plus caché recoin des cubes de béton dans lequel nous gisions. Lula dormait, et je voyais dans cette lumière de music hall, là, tout contre moi, l'épaule de Lula, mauve et bleue. Sa douce épaule, couleur Avia. Et un peu de son sein, Avia. Et de ses paupières, Avia. Maloula, Avia de néon. Et dehors, l'aube, enfin, pendant que sur les périphériques, le bruit ininterrompu monte de quelques crans. C'est l'heure où des millions de gens s'élancent vers leurs bureaux et leurs usines. Partout autour, les réveils font entendre leur joyeuse sonnerie et la promesse d'une nouvelle journée met la ville en émoi. L'aigre grelottement des premiers pipis, jailli du sexe à l'égout, me serre le cœur. Je revois les vasques usées des torrents méditerranéens, les délicieuses cascades entre les fougères, les libellules bleues sous les feuilles de figuier et sur l'eau tranquille, le saut d'une grenouille dérangée. Floc, une autre grenouille, floc, une autre encore, floc, et puis la chasse d'eau des voisins. Ah là, je transpire d'angoisse. Mais déjà, tous les moulins à café déchaînent leur infernal bruit triangulaire sur fond de speakers gorge tranchée, première gifle dans le joli matin. Contre moi, Lula s'agite dans un mauvais sommeil. Je sombre, vaincu par la fatigue, dans la putréfaction des rêves tardifs. Ma langue gonflée colle à mon palais et mes fosses nasales trop sèches me font mal quand j'avale. Le temps passe dans ce saoulant vacarme, le corps taraudé, l'esprit chirurgicalement découpé en fines tranches, le cerveau oblitéré par toutes ces machines à répétition et s'insinuant dans la bouillie, le fin clink musical à pleurer. Le clink léger, presque champêtre, de la sonnerie d'un autobus. Clink, en plein cœur comme un coup de seringue glacé, alors que se répandent par tout mon corps les ondes fraîches de ce clink obsédant, pendant que Lula, tout près, torturé de bruit, se refuse à ouvrir les yeux en se blottissant encore plus étroitement contre moi dans l'hallucinant torrent d'acier, 100 fois guillotiné, désossé, transpercé, et toujours ce clink musical qui tombe comme un glaçon dans la braise. Ainsi, doucement, nous glissions dans la folie. Bleu, mauve, grimace sur nos visages. L'enseigne Avia palpitait, clown malgré nous. Nous émergions des draps informes, nous restions assis au bord du lit, découragés. Que faire? Où aller dans cette folie de métal? Sortir? Respirer? Mais où fuir dans ce dégueulis communautaire? Écœuré à pleurer, incapable du moindre projet. Enfin, une explosion ou un coup de sirène nous faisait sursauter. Nous nous traînions jusqu'à nos habits que nous enfilions dans la lumière Avia dansante et nous sortions sans savoir, hésitant parmi les passants. Dehors, la fête des insectes humains bat son plein. C'est la guerre, la haine, le dégoût. Les gens s'insultent, muets. Un rien et tout le monde se saute à la gorge. Depuis le temps qu'on ne se parle plus. Depuis le temps qu'on a honte d'être pareil à ce qu'on croise. Poussé, heurté, sur l'asphalte, canalisé, les piétons s'élancent par les passages balisés des clous. Coup de sifflet, coude à coude. Les agités traversent. Des femmes montrent le poing automobilistes. Des hommes donnent des coups sur des capots. Haine, haine, haine. Vert, laminoir en folie, métal en rut. Les derniers à pied cavalent, sautent de justesse, foncent méchamment, fendent les périphériques. C'est la course. Les moteurs hurlent jusqu'au rouge. Stridence des freins. Là, oh mais pas loin, hein. Les voilà déjà arrêtés. Les piétons en folie s'élancent à leur tour. Femmes, enfants, vieillards, hommes de tous âges se marchent sur les pieds, se poussent, se filent de méchants coups de coude. Haine, haine, haine. On piétine dans le crachin. Sur le pavé, les reflets de la foule sont mous. Poulpe dansant dans des irisations d'huile. Plus haut, contre le ciel souffre, des signes palpitent. Néon optimiste, pétillant, faux soleil échevelé coiffant la morte danse. Sur fond de biel, étoiles, planètes, constellations s'allument, s'éteignent. Comètes d'ampoules et de tubes dans les nuages au ras des toits. Cavalcade, remous, panique sous les néons en saccade. Visage blanc, mains balancées d'avant en arrière, au bout des bras. Pour accélérer par le ballant la cavalcade, une femme tombe au milieu, des oranges roulent vers. Les recroquevillés démarrent. Elle a eu chaud. Ses bas sont troués aux genoux. Mais elle, elle les a récupérés, ces oranges. Sifflet, rouge, elle sourit, gênée. Sifflet, vert. Des grappes vacillent au bord des carrefours. Sifflet, rouge. Les rues sont envahies, ils écument. Hurle, furieux, De tous côtés ça klaxonne, sifflet, violet, le ciel grésille, les maisons tanguent, sifflet, jaune, des voitures flambent, des coups de feu partent des toits. On s'empoigne sur les trottoirs. Enfin la vengeance. L'heure a sonné, vert, les autos foncent dans le tas. Hé, donnez-moi un tank, un bulldozer, une mitraillette que je descende tous ces gêneurs. Rouge. La foule entoure une voiture qui a mordu sur le passage, a effleuré quelqu'un au mollet. Dedans, un recroquevillé agité, blafard. Par la vitre baissée, un poing, paf, lui écrase le pif. Ses lunettes sautent. Quelqu'un ouvre la portière. On extrait l'horrible conducteur. Impossible de le déplier. Bah, c'est normal, hein, depuis le temps qu'il est recroquevillé derrière ses pédales. Le monstre de automobiliste tient plus debout, désappris. Un type lui fit un coup de pied en même temps qu'une femme lui tire les cheveux. Le automobiliste pleurniche. Plié en deux, il cherche à tâtons ses carreaux, rampe, menton au genou. Les piétons ricanent. On le plaindrait presque d'être à ce point sans os. Enfin, le voilà de nouveau derrière son volant, vert, et youp, il a foncé dans le tas et disparu du côté de d'enfer. On traîne, deux ou trois piétons morts jusqu'à la première pharmacie. Les gloutons optiques affamés s'agglutinent à vue. Des flics tapent à coups de matraque, mais tapent, tapent, tapent dans le tas. Mais les agités à pied veulent plus avancer. Ils veulent voir, flairer, savoir quoi. Se donner un départ d'imagination pour le soir, seul dans leur pieu, seul. Où qui sont les cadavres ? On se démanche les coups, on se hausse sur les orteils. Sous la grande croix au néon, on se met en quinconce. Vert, rouge, sirène, motard. Hé, v'là l'embu ! Poussez-vous, hé, connard ! Hé, ça va ? Hé, oh. Non, mais dis, hé, oh ! Un casqué, polismar, botté, sanglé, plein de cuir et de chichi chromé, repousse la manaille. Des ambulanciers porteurs de civières suivent. On charge les morts, mous et bringue-beugnolants. V'là qui passe à l'horizontale, doigts raclant l'asphalte. Leurs joues sont pas beaucoup plus pâles que celles des debout. On les pose près de l'ambulance. Des en blouse blanche les tâtent, font du bouche à bouche, montrent qu'ils savent faire, s'affairent, auscultent pour montrer qu'ils font. Les flics matraquent en l'air, s'empêchent de cogner sur les badauds béants qui piétinent sur place comme s'ils cavalaient, tant le spectacle est excitant. Combien y en a de morts ? Bah, moi, j'ai pas vu, mais il paraît qu'il y en a 8. 8 ? Ouais. Monsieur, il dit 6. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, rien qu'un automobiliste qui a foncé. Mais dans le tas, comme ça ? Bah, oui. Oh, putain. Gonflé, le mec. Et où qu'il est, le chauffard ? Quelqu'un montre le carrefour d'enfer. Là, il a contourné le lion, youp, sur les chapeaux. Il a disparu vers l'observatoire. Hein ? Ouais. Gonflé, le gars. Ben, ça va l'être, hein. Et il était en quoi? En quoi il était, le chauffard? Ben, je sais pas, en citron, je crois. Madame dit que non. Ben, en quoi qu'il était, alors, si c'est pas en citron? Ben, en pigeot, je crois. Le petit dit en panard. Ben, panard ou pigeot, c'est la même chose, non? Le flic se mordit les bacchantes en arpionnant sur ses grabiots ferrés. Mais déjà, les crieurs du soir crient « En soir dernière, chauffard d'enfer a été retrouvé grâce à ses pneus en sang !» La foule se précipite, arrache les journaux aux crieurs. On s'agglutine sous les néons, vert, jaune, rose, mauve. On s'attroupe entre gloutons optiques. On commente. Paraît qu'il est Rital, le meurtrier. Mais non, c'est un bico. Bon, bico, Rital, juif, macaque, tout pareil. Hein. C'est pas, je suis pas raciste, hein, mais bon. Tiens, ça tombe bien qu'on se marre un peu, hein. Ben, voilà justement un bico avec ses tapis et ses colifichets. Hé, Ali, qu'est-ce qui t'a pris de foncer comme ça? Moi? Il s'étonne sous son fez. Il se retournerait presque pour être sûr que c'est pas quelqu'un derrière à qui on voudrait par hasard. Ben oui, toi, pourquoi toi y en avoir foncé comme ça? Moi? Voix suraiguë du bico qu'a peur. Moi, il n'y en a pas à avoir foncé, que je t'ai dit. Les gloutons optiques se marrent. Ah, il est parfait, celui-là, dans son rôle de bico. Ha, fait l'agent, l'imitant. Toi, il n'y en a pas à avoir foncé? Mais non, qui je te dis, moi, il n'y a pas à avoir foncé. Moi, marcher à pied, t'y vois pas. Répète un peu que toi, pas y en avoir foncé. Moi, y en avoir foncé, monsieur l'agent. Ah bon. Le bico qui avait été poigné par le callback est relâché. Il se marre, se faisant complice. Sa dent en or brille sous les néons. Rose, or, bleu, rose, bleu. Au fond, la foule de gloutons optiques le trouve sympa. Le bico le sent, prend de l'assurance, en remet, pris au jeu. Parle archi petit nègre, fait mimique et grimace. Moi, il y en a à avoir foncé sur tapis volant. Tu veux m'acheter pouf? Eh, mon ami, moi, pauvre arabe. Le flic se dandine, voudrait bien un peu sa part de ce beau succès. Eh, dis, Ali Mohamed, là, toi, y en a à avoir papier? Allez, à boule. Papier, tu vas voir. Tu vas voir. Tu es impatient, monsieur l'agent. Il fouille sous ses tapis, relève sa blouse bleue, sa dent en or, lance des feux. Enfin, il sort tout. Le flic lit même pas, il l'empoigne. Au panier, le bico. Râle même pas le métèque. Si, un peu quand même, pour la forme. Au poste ou ici, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Sa dent en or brille derrière le grillage du panier. Ben, il est chez lui à force. En partenaire obligé qui connaît son rôle, il sait bien que sans lui, à quoi il servirait les flics? Hein? À quoi? Oh, c'est qu'il est autant chez lui au commissariat que les agents de police, non? Mais peut-être plus. Pour Lula et moi, deux solutions. Filer vers les gobelins ou foncer vers Montparnasse, on hésite. Là ou ailleurs, toujours le même bruit, la même agitation. Revenir par des petites rues, déprimant mais reposant. On décide de faire un crochet par la Closerie des Lilas, le boulevard Montparnasse, puis remonter par la rue Émile Richard, rue sans numéro entre les cimetières. Ensuite, rue des Plantes. C'est immonde. Rue informe. Rue des Plantes. Rue des Plantes. Rue des Plantes. Que nous ne prenons pas. Ah, nous sommes crevés. Nous n'en pouvons plus d'être prisonniers de cette ville haïe. Tu vois, ma chérie, le jour où nous réussirons à en foutre le camp, jamais, ah mais jamais, nous n'y remettrons les pieds, hein, dans cette ville. Ah ça, pour ça, elle est d'accord. Pages arrachées au roman de Serge Rezvani. Les années Lula, extrait lu par Nicolas Bouchaud. Musique composée et interprétée par Olivier Longre. Une lecture enregistrée en public à l'Espace Cardin le 13 octobre 2018. Une coproduction France Culture et Le Théâtre de la Ville. Prise de son, montage et mixage, Hervé Dubreuil, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Baptiste Guiton. Les années Lula de Serge Rezvani est publié aux éditions Actes Sud dans la collection Thésaurus.